Voici la Saint-Jean, la belle journée. Voici la Saint-Jean, la belle journée. Où les amoureux vont à l'assemblée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Où les amoureux vont à l'assemblée. Où les amoureux vont à l'assemblée. Le mien n'y est pas, j'en suis assuré. Marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Le mien n'y est pas, j'en suis assuré. Le mien n'y est pas, j'en suis assuré. Il est à Paris, chercher ma livrée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Il est à Paris, chercher ma livrée. Il est à Paris, chercher ma livrée. Qu'apportera-t-il à sa fiancée? Marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Qu'apportera-t-il à sa fiancée? Qu'apportera-t-il à sa fiancée? Il m'apportera ceinture dorée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Il m'apportera ceinture dorée. Il m'apportera ceinture dorée. Un anneau d'argent et sa foi jurée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Un anneau d'argent et sa foi jurée. Un anneau d'argent et sa foi jurée. Et puis le bouquet de la mariée. Marchons joli cœur, la lune est levée. Marchons joli cœur, la lune est levée.